team. Biz, 2K. Susceptibles seront les auditeurs. Ok. Bien sûr que la chance tourne, boy, wesh, un jour tu la toucheras. En attendant, suis la cadence tout en vesquille les touches car. Coupe les doigts d'un pianiste, pour moi c'est comme pleurer sans larmes. Oh, tu veux d'illicite, mais un jour t'auras besoin d'une arme. Les mendiants, ce qu'ils demandent c'est pas de l'argent mais de l'amour. Par moment, certains clochards en crèvent la vie courte. Tu chantes par ses capacités et son respect, car si son âme est bien rennée, frère, un cum ça respire. Ce oui pour tous ceux que j'ai blessés, ah ça c'est dur à dire. La peine chasse tout sans mériter, marre d'être de gras pour vivre. Là c'est 9-3 L4-4 qui rappe sans pitié. Là c'est dit tes bis de K qui tape sans forcer. De ces mots j'en suis l'éditeur et personne peut m'arrêter. Petit échec, c'est moi l'auteur, avoue que j'ai bien carburé. J'irai choquer les auditeurs jusqu'à ce que la mort m'arrête. Je pourrai jamais lâcher la maille tant que personne touche à l'alerte. Ah, Biz, ça vient d'Aubert. À la 800 GP, TDI 2K, pornichier gros, les bidules. Si je pars demain, est-ce que mes vrais seront là? Me vengerait-il si jamais je me faisais canner par un rouillard? Est-ce que l'amitié de nos jours n'est basée que sur le bénef? Je vois tellement loin que j'ai l'impression d'être sur la tour Eiffel. Tout cap si tu parles, sache qu'on t'aura. On a les hormones qui s'agitent dès qu'une femelle sait pas. Les yes, I défile comme les dealers en prison. Je vois qu'avec le temps, l'homme pourri peut devenir bon. Faut prendre le taureau par le corne, la vie en levrette. Je pète le score 9-3-4-4 écrit sur tous les t-shirts. Si demain je béton et qu'on me mette sous cacheton, est-ce que ceux qui disent qu'ils m'aiment, leurs mains me donneront? Est-ce que les rumeurs qui courent sur celles que t'aimes sont fausses? Mec, pour l'amour, comme un grand gaillard s'effondre. Est-ce que les plaques cesseront d'être considérées comme des macaques? Car c'est dans la nuit noire, dans le métro, que ça taffe aux plaques. Est-ce que le parrain de mon fils tiendra sa parole? Que mon fils est sous sa tête de corne ou une auréole? Est-ce que les politiciens sont aussi propres qu'on le croit? Est-ce qu'un jour je percerai? Je te parle pas forcément du rap. Est-ce qu'on ira tous au paradis? Est-ce qu'un jour cessera la guerre entre Israël et Palestine? Notre vie c'est un carnage, je te connais pas donc je te carna. Bienvenue dans notre sale mentalité, 9-3 ici c'est Panam. 9-3, je t'avais prévenu, ça va barder, c'est pisse, je défouraille, rien à foutre de ce que vous braillez. Tous les jours je me lève en me disant Inch'Allah que je graille. Je suis comme P-Square, no time. Yo, de K.O. Mike. C'est pour ceux qui écoutent le son dans le bus, de Blanchot à Grand-Air, au fond d'un Stran ou d'un Carian, let's go 2M, fait pleurer le sampleur. Ils veulent du lourd, v'là du 2K, bis édité. 2000 ans, j'perds 10 kilos, mais au micro, j'côtoie à l'obésité. J'débarque original, donc pas en survêt Adidas. Yo, ça dit quoi, j'vais tous les étaler, à croire, j'suis astigmate. Les yeux cernés, la face toute pâle, j'mets mon masque à gaz, après schizo, de qu'est-ce qu'ils ont, eux tous des putes sans mascara. J'vois la paix, j'n'ai eu que la guerre avec ma personne. J'ai plus de mal à le dire, j'me sens pas yimbé, j'en perds le sommeil. Excusez-moi, Morphée, il me faut de la morphine, j'ai pas attendu. De plus avoir de rêve pour le mal à dormir. La neige tombe dans ma ville, je parle pas de météo. La meuf se déshabille, son mec l'appelle, lui dit mais t'es où? Évidemment pas à la maison, faut vraiment que tu te fasses une raison. Raccroché puis maison, 2012 on ne parle plus de liaison. J'avais de l'avance, il commande PES, j'étais sur Winning Eleven. Bon élève, moi j'ai fini derrière eux. Tant pis je mettrai du sky dans mon coca, quitte à boire de la merde le temps que ça me défonce. Lyrical cocard, trop tard j'ai envoyé ce texto de merde. J'étais encore trop raide, j'aurais jamais dû lui avouer que cette fille me plaisait. J'nique le désir, elle va jouer avec mes sentiments, c'est ça d'être honnête. Y'a qu'un Mac, donc la vie m'a offert de petits plaisirs. Là je refais le monde et pas besoin d'être à 6 milliards. Demande à 2M une bouteille de label sous le Porsche d'LM. Maintenant ça cesse, c'est minable, enfin c'est ce qu'on se dit. Pas plus froid dans les poches pour être smicard, putain quand est-ce qu'on se tire. Aux Seychelles dans un palace avec le pote Tony. Je m'autorise à rêver, jeune mort trop vite. Deux on n'a pas eu les roses qu'on lui apporte. Les chrysanthèmes c'est triste, en fait v'là ma chrysanthème. Ma vie n'est que grise en clair. J'vise le master bac plus 5 pour le smic. C'est cool à ce qui paraît, y'a de ma vie dans ce qu'ils écoutent. Je la raconte en mesuré sur Facebook, car oui j'ai le blues. Sinon qui va le faire mes ex, c'est ce qui me dégoûte. Sinon qui va le faire mes ex, c'est ce qui me dégoûte.